professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment la démocratie peut-elle être une manière de vivre, demande la philosophe Claudine Tiercelin. Comment John Rawls fait de son concept de raison publique un élément essentiel de toute démocratie délibérative. Quels sont les éléments du débat entre John Rawls et Jürgen Habermas? Claudine Tiercelin, titulaire de la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance, nous entraîne depuis plusieurs cours dans une grande enquête sur les relations que tissent ou pas les trois concepts complexes de connaissance, vérité et démocratie. Depuis deux semaines déjà, nous vous proposons différents extraits de ces cours. Après avoir montré, selon ses mots, la nécessité de substituer au modèle du marché celui du forum ou de démocratie délibérative, Claudine Tiercelin s'attache aujourd'hui, nous dit-elle, aux lignes de force des travaux de Rawls et d'Habermas. Il s'agit pour elle de souligner les difficultés d'une conception qui se voudrait purement procédurale et non substantielle du concept de démocratie. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 27 mars 2017 pour le cours de Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, le concept de démocratie du modèle concurrentiel économique ou agrégatif au modèle délibératif, deuxième partie. C'est par les figures de John Rawls et de Jürgen Habermas qu'il nous faut, ne fût-ce, vous vous en doutez, ici encore que trop schématiquement, trop brièvement, commencer par dire quelques mots. Car il est exact qu'à bien des égards, et en particulier à partir des développements ultérieurs que vont connaître leurs réflexions respectives, mais aussi et peut-être plus encore par l'influence considérable de leur œuvre sur la discussion générale, tous les deux sont des acteurs, et des acteurs évidemment très importants, du courant de ce qu'on appelle la tradition de la démocratie délibérative. Dans le cas de Rawls, en particulier, par son livre sur le libéralisme politique, qui a été traduit, comme vous le savez, en français par Catherine Audard en 2001, et pour Habermas, en particulier par son livre « Droit et démocratie, entre faits et normes » 1992, ou encore par les discussions dont a fait l'objet ce texte, « Trois modèles normatifs de la démocratie », paru dans « L'intégration républicaine », essai de théorie politique, Fayard, 1998. Alors, sans doute, la théorie de l'agir communicationnel, paru en allemand en 1981, livre dans lequel sont posés les principes, vous savez, de l'éthique de la discussion, qui va faire la fortune de Habermas, n'est-elle pas encore, en toute rigueur, une théorie politique et juridique? Elle permet surtout de fonder, à partir d'un examen de ce qui, aux yeux de Habermas, caractérise les actes de langage, la valeur prescriptive de certaines normes morales, la validité de celles-ci étant assurée par le consensus pratique auquel on aura réussi à parvenir. Toutefois, je vais quand même en parler un petit peu, parce que, ne serait-ce que pour une raison importante, qui est que, comme l'a montré Joshua Cohen, elle inspire aussi, à l'évidence, les théories délibératives qui émergent alors, en particulier les travaux donc, de Jon Elster, mais aussi ceux de Bernard Manin, ou justement les travaux aussi, de façon importante, de Joshua Cohen. Mais cela n'est pas seulement vrai de Habermas, c'est vrai aussi, même si c'est seulement à certains égards, c'est évidemment aussi le cas de chez Rawls. Je dis à certains égards, car à d'autres égards, il y a chez Rawls des éléments qui non seulement ne permettent pas de le ranger dans le courant des délibérativistes, mais qui vont même à l'encontre des principes qui régissent ce courant, comme le montreront assez clairement au demeurant les discussions qui l'opposeront à Habermas. Disons déjà d'emblée, comme les commentateurs en ont fait la remarque, que, premièrement, s'agissant de la théorie de la justice, 1971, et traduction française par Catherine Audard au seuil 1987, Rawls, c'est un point qu'on a souvent évoqué, ne la conçoit pas d'abord comme une théorie de la démocratie en tant que telle, n'est-ce pas ? L'objectif de Rawls, c'est principalement de réfléchir aux caractéristiques qui devraient être celles d'une politique démocratique adaptée à une société juste. En d'autres termes, comme l'a notamment souligné Joshua Cohen, s'il est bien vrai que la théorie rawlsienne de la justice présente bien un espace politique dans lequel s'opposent des conceptions antagonistes du bien commun, qu'il faut donc bien sûr régler en respectant le principe d'égalité des citoyens entre eux, le caractère proprement délibératif de la politique rawlsienne reste subordonné à un idéal de justice. Et c'est d'abord et avant tout pour réaliser l'équité que la politique démocratique doit prendre forme. Vous trouverez toute l'analyse de Cohen dans l'ouvrage donc dirigé par Charles Girard et Alice Le Goff, « Délibération et légitimité démocratique », page 209-215. Bon. En outre, Rawls fait assurément de son concept de raison publique un élément essentiel de toute démocratie délibérative. Mais si l'on se penche d'un peu plus près sur ce concept, on s'aperçoit, comme l'ont fait remarquer Catherine Audard ou Maeve Cook ou Christophe Girard lui-même, qu'il est à bien des titres antithétiques du concept de démocratie délibérative. Et que, en réalité, ces deux concepts sous-tendent même, comme l'a montré de façon, je trouve, très éloquente Charles Girard, deux conceptions inconciliables de la légitimité démocratique. En effet, comme le montre Cook, qui en fait du reste le reproche à John Rawls, le concept, au fond, de raison publique suppose que les citoyens d'une société démocratique n'avancent pour justifier publiquement des options politiques que des raisons publiques, dont ils peuvent raisonnablement penser qu'elles sont acceptables par les autres citoyens comme eux raisonnables. Là où, à l'inverse, la démocratie délibérative suggère, voyez, que le débat public peut rapprocher, en quelque sorte, les citoyens d'un consensus sur la décision la plus conforme au bien commun. En d'autres termes, il semble bien que la raison publique suppose une délimitation du raisonnable préalable à la discussion, préalable à la délibération, et que celle-ci ne revêt donc foncièrement qu'un statut purement instrumental. Vous voyez ? La délibération, au fond, ne sert qu'à mettre en œuvre une conception de la justice, mais elle ne constitue en rien le fondement premier de la légitimité politique. Arrêtons-nous un instant sur ces arguments longuement développé par Christophe Girard dans ce long article de 2009 paru dans Raison politique, Raison publique rawlsienne et démocratie délibérative, deux conceptions inconciliables de la légitimité dont je vous recommande vivement la lecture. Donc page 73-99. Tout d'abord, si l'on s'en tient aux conceptions qui ressortent de la théorie de la justice, on voit assez vite que les théories délibératives s'élaborent à la fois, en effet, dans le prolongement de la politique démocratique esquissée par la théorie de la justice, mais aussi en rupture avec elle. Certes, l'œuvre de Rawls se consacre en premier lieu au problème de la justice sociale, et non à celui de la légitimité du pouvoir politique, et le dispositif conceptuel qu'elle met en œuvre ne fait guère intervenir l'idée de délibération. La position originelle n'exige donc, en particulier, des individus qui s'y trouvent, ni qu'ils raisonnent, en termes de bien commun, ni qu'ils débattent véritablement entre eux des options qui leur sont soumises. Au contraire, c'est le calcul intéressé d'un agent économiquement motivé par son intérêt bien compris qui fonde la sélection des deux principes rawlsiens de justice. Quoique Rawls utilise la métaphore de la discussion et mentionne la présence d'un arbitre, il précise bien que celui-ci n'est pas nécessaire car, je cite, « les délibérations de tous les individus situées derrière le voile d'ignorance sont supposées être identiques. Ils font tous le même raisonnement. » Autrement dit, le choix des principes de justice repose donc sur l'unanimité spontanée des volontés, et la position originelle est précisément définie de telle sorte que celle-ci soit possible. Il n'y a donc pas, comme le dit Girard, de véritable délibération collective derrière le voile d'ignorance, page 75-76. Et c'est du reste ce qu'avait fort bien vu Bernard Manin dans son article « Volonté générale ou délibération, esquisse d'une théorie de la délibération politique » paru en 1985 dans Le Débat, lorsque, se plaçant en rupture avec la démarche rawlsienne, Manin avait proposé justement l'une des premières formulations de la théorie délibérative. En faisant reposer sa théorie de la justice comme équité sur l'unanimité des individus situés dans la position originelle, Rawls reproduisait aux yeux de Manin le geste de Rousseau, imaginant une assemblée de citoyens dont les volontés s'accorderaient pour exprimer la volonté générale sans qu'il leur soit nécessaire de même communiquer entre eux. Or, l'approche qui fait reposer la légitimité sur l'accord spontané des volontés soulève deux difficultés. D'une part, le manque de plausibilité d'une telle unanimité, même sous les conditions hypothétiques de la position originelle, il n'est pas certain que le principe de différence apparaissent à tous comme la solution la plus rationnelle, et d'autre part, le caractère dynamique et non statique des volontés. Comme le dit Bernard Manin, ce qu'il faut reprocher à Rawls comme à Rousseau, c'est le présupposé que les individus entrant en société ou devant prendre une décision politique ont déjà une volonté formés, qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent et n'ont tout au plus qu'à appliquer leurs critères d'évaluation aux solutions proposées. Page 83. La décision légitime n'est pas la volonté de tous, mais celle qui résulte de la délibération de tous. C'est le processus de formation des volontés qui confère sa légitimité au résultat, non les volontés déjà formées. Fin de citation. Cela ne signifie pas nécessairement, néanmoins, comme le fait remarquer Girard, qu'il n'y ait pas une esquisse déjà de politique délibérative. Simplement, celle-ci n'est pas à chercher dans la position originelle, mais plutôt dans la description que propose Rawls de la politique adaptée à une société bien ordonnée. Dans une telle société, en effet, le débat politique prend la forme d'une confrontation entre conceptions du bien commun. Les citoyens et les associations intervenant dans l'arène publique doivent argumenter sur la base de telles conceptions et non adopter des points de vue particuliers. Et c'est la raison pour laquelle Cohen estime que, précisément, la théorie délibérative prolonge bien certains aspects de la politique rawlsienne. La délibération centrée sur le bien commun, mais également l'insistance sur l'égalité manifeste entre citoyens, ainsi que sur le rôle que joue la culture politique dans le développement des conceptions du bien commun. Mais cette filiation implique à nouveau une rupture, car la théorie délibérative ne peut pas se satisfaire de la manière dont Rawls justifie ses traits. Ils sont, selon lui, nécessaires à la fois pour garantir que les citoyens puissent exercer leur droit de participation politique, dont le principe serait choisi par les individus situés dans la position originelle, et pour assurer que les institutions politiques reflètent l'idéal d'équité. Car si nous acceptons cet idéal, nous devons désirer que les institutions elles-mêmes s'y conforment. Les aspects délibératifs de la politique rawlsienne dérivent donc de l'idée d'un système équitable de coopération, point de départ de la théorie de la justice comme équité. Mais cette justification instrumentale est trop fragile, comme le dit Cohen, car elle implique que la politique délibérative n'est nécessaire que si elle est la seule à pouvoir réaliser l'équité. Or, il n'est pas du tout certain qu'une politique fondée sur la négociation entre groupes poursuivant leurs intérêts particuliers soit moins à même de refléter l'idéal d'équité qu'une politique délibérative, car la négociation peut elle aussi suivre des règles équitables. On voit donc pourquoi raison publique et démocratie délibérative ne font pas forcément bon ménage. Car, ainsi que le souligne Girard, je cite, « c'est l'idée même d'une justification instrumentale que refusent en réalité Cohen et les tenants de la démocratie délibérative. Ce qui justifie à leurs yeux les traits délibératifs de la politique démocratique, c'est qu'ils sont constitutifs d'un idéal à la fois intuitif et fondamental, celui d'une association démocratique dans laquelle la justification des termes et des conditions d'association procède par le débat et le raisonnement public entre citoyens égaux. Et parce que cet idéal est fondamental, il ne peut être dérivé d'autres idéaux tels que l'équité. Il est premier et dans une certaine mesure intuitif. Une autre théoricienne de la démocratie délibérative, Seyla Ben Habib, considère aussi que l'idéal délibératif traduit la forme de rationalité pratique qui nous a été léguée par notre histoire. Bref, tous ces théoriciens de la démocratie considèrent qu'ils doivent, pour cette raison même, s'émanciper de la perspective rawlsienne, qui leur a en partie ouvert la voie, certes, en affirmant le caractère fondamental pour notre culture politique de l'idéal d'une communauté politique se gouvernant elle-même vraiment par la délibération publique. Jusqu'à un certain point, c'est aussi, mais pas uniquement, l'un des ressorts du débat qui s'est engagé dans les années 90 entre John Rawls et Habermas. Vous voyez notamment le texte publié au CERF en 1997, « Débat sur la justice politique », mais qui fait mieux apparaître aussi, c'est un point fort intéressant, je trouve, la nature du clivage qui nous intéresse au premier chef, susceptible d'exister entre une conception substantielle et une conception procédurale de la démocratie. Quel est en effet, ici, le reproche constant que l'on voit Habermas adresser dans ce débat à Rawls ? C'est, en quelque sorte, d'enfermer le processus démocratique dans des termes qui ne sont pas les bons. Rawls, estime Habermas, met au premier plan la liberté des modernes, savoir les libertés privées, au détriment des libertés des anciens, savoir les libertés publiques. Mais ce faisant, il se trompe sur le sens que doit avoir la constitution d'une démocratie, où il est impossible de concevoir les droits fondamentaux des individus à partir de contraintes qui viendraient restreindre de l'extérieur la souveraineté du peuple, puisque les premiers et la seconde sont co-originaires. Or, si l'on veut, comme on le doit, préserver l'autonomie du peuple, alors celle-ci doit pouvoir en permanence réaffirmer les droits essentiels qui constituent l'acte de fondation de l'état de droit démocratique. La démocratie, en effet, ce n'est pas un cadre préalablement fixé, contraignant la volonté du peuple. C'est un projet dont la réalisation suppose l'autonomie du peuple. Autrement dit, alors qu'il devrait, au fond, se contenter de clarifier la perspective morale correspondant à la procédure démocratique, sans prétendre régler à la place des citoyens, je cite, « tous les débats essentiels en vue de la légitimation », Rawls présente, au fond, pense Habermas, un modèle dont le contenu substantiel est bien trop déterminé. On voit bien le ressort de la position qui est ici celle de Rawls, qui, en répondant à Habermas, part du principe premier que si la constitution d'une démocratie est juste, alors les individus réalise bien cette autonomie qui lui est aussi chère qu'elle peut l'être à Habermas. Chaque génération, observe-t-il, n'est pas appelée à conduire tous les débats essentiels menés en vue de la légitimation à une conclusion raisonnable, ni à réussir à se donner une constitution nouvelle et juste. Qu'y a-t-il de particulièrement important à ce que nous donnions effectivement une constitution juste, à la fois raisonnable et rationnelle, alors que nous en avons déjà une, la comprenons pleinement et agissons sur elle. Page 94-95. En d'autres termes, dans ce qui relève de ce que Habermas présente en effet comme, par moments, une simple querelle de famille entre lui et Rawls, comme on a pu le dire, c'est parce qu'il considère que la pratique délibérative produit, dans des circonstances idéales, des choix axiologiques qui sont susceptibles d'être universalisés, parce qu'ils sont produits, si vous voulez, en quelque sorte, des décisions moralement justes. C'est pour cette raison-là que Habermas peut refuser de contraindre la procédure démocratique par des principes préalables protégeant les libertés individuelles. Et inversement, c'est parce qu'il considère que la mise en œuvre de la Constitution suppose à tous les niveaux des efforts de l'interprétation, d'ajustement et de révision requis par les circonstances sociales, que Rawls ne comprend pas l'autonomie des citoyens comme une forme complète d'auto-législation. Je vous renvoie sur ce point aux analyses d'Alice Le Goff et de Christophe Girard dans l'introduction à l'anthologie sur la démocratie délibérative, page 34-35. Si, à présent, nous nous élevons aussi aux enseignements de ce débat pour la réflexion qui est la nôtre, on voit bien aussi que la position originelle chez Rawls et son contractualisme constituent bien une tentative pour expliquer l'idée de justice comme équité à partir d'une procédure qui est elle-même juste. Et que ni Rawls ni Habermas ne pensent que le processus rationnel de délibération puisse en vérité se faire sans que la communauté présuppose, n'est-ce pas, certains principes ou valeurs substantielles. Des libertés de base, la référence à des biens premiers et en définitive, les principes démocratiques eux-mêmes. Elle peut donc difficilement prétendre dériver ces mêmes principes d'une pure et simple procédure. C'est pourquoi il semble difficile, voyez-vous, de prendre jusqu'au bout au sérieux la fameuse abstinence épistémique que revendique Rawls, mais aussi et surtout me semble-t-il, il est tout aussi évident que la branche antiréaliste et donc procédurale du dilemme euthyphronien de la démocratie que nous avons évoqué l'emporte aussi aisément sur la branche qu'on pourrait dire cognitiviste et réaliste. Ce que cela veut dire, ce que montre à mon sens cette discussion entre eux, c'est qu'il paraît bien difficile, au fond, de faire l'économie d'un minimum de critères, de valeurs, de normes démocratiques, lesquelles sont bel et bien substantielles et indépendantes des décisions rationnelles d'une démocratie procédurale ou formelle. Et loin même que ces valeurs substantielles soient indépendantes des procédures garantissant la démocratie, tout permet de penser que ces dernières les présupposent. Comme l'a fait remarquer Joseph Raz dans un article de 1990, Facing Diversity, the Case of Epistemic Abstinence, paru dans Philosophy and Public Affairs, page 346, une théorie de la justice comme celle de Rawls doit bien se présenter comme la théorie vraie ou correcte de la justice, si elle ne veut pas être seulement un instrument parmi d'autres possibles à même d'assurer la stabilité sociale. Bref, si on ne présuppose pas la vérité, il ne peut pas y avoir de justice. Le Collège de France et France Culture vous présente la philosophe Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, le concept de démocratie, du modèle concurrentiel, économique ou agrégatif au modèle délibératif, deuxième partie. Je voudrais, à ce stade de notre réflexion, revenir aussi sur certains des aspects, précisément, de la démarche habermasienne et sur l'importance qu'Habermas accorde pour sa défense de l'idéal démocratique qu'il a toujours eu très à cœur de défendre, comme vous le savez, notamment pour montrer ce qui lui paraît être un contresens, les thèses de Carl Schmitt. Cela va nous permettre, je pense, de mieux évaluer la force ou non de sa contribution, cette fois relativement au modèle que j'ai essayé d'élaborer de la vérité elle-même, dont nous avons vu qu'elle ne pouvait être menée que si nous nous souvenions que quelques définitions que nous adoptions de la vérité, celles-ci devraient supposer, pour être convaincantes et donc éventuellement applicables au domaine de la politique, indissociables d'une analyse de l'assertion, des normes qui régissent celles-ci et des pratiques dans lesquelles elles s'insèrent. Or, point mise en évidence notamment, comme je l'ai montré, par un certain nombre de représentants du pragmatisme classique, au premier rang desquels P. Peirce ou Ramsay, qui se sont particulièrement attachés à développer toute une théorie, non seulement de la vérité, mais de l'assertion, au point même que chez Peirce, cela prend l'allure d'une sémiotique logique généralisée. C'est un projet extrêmement, extrêmement ambitieux. Or, Habermas, comme vous le savez sans doute, a toujours dit qu'il se sentait proche, à mains égards, des pragmatistes classiques. C'est d'abord, du reste, à sa proximité avec Carl Otto Appel qu'il le doit, Appel qui fut très tôt inspiré par Peirce et qui, dans les années 1970, commença à explorer dans le sillage de ce dernier non seulement la possibilité d'une approche qu'il dit pragmatico-transcendantale de la vérité, mais aussi l'idée selon laquelle un présupposé de l'argumentation et de la communication est en effet qu'une communauté de chercheurs doit exister qui soit à même de valider les affirmations émises par les locuteurs. Habermas considère, ou au moins considérait jusqu'à une date assez récente, car il a un peu modifié sa position, même sur pas mal de points, qu'il faudrait bien sûr reprendre dans le détail, il considère que l'éthique de la discussion, comme vous le savez, constitue en quelque sorte une véritable justification de la démocratie. Et il considère par ailleurs que l'enquête obéit à des principes qui sont en fait valides. C'est-à-dire, chacun a le droit de participer au discours, chaque participant au discours a un droit égal à faire connaître ses positions, à exprimer ses attitudes, ses besoins, ses désirs, etc. Ce sont là, dans son esprit, des principes démocratiques non négociables. Mais vous voyez que si Habermas a raison, cela peut aussi vouloir dire que nous avons peut-être les moyens, s'agissant notamment de questions morales et politiques, de considérer que à ces questions, nous pouvons donner des réponses bonnes ou mauvaises, mais peut-être aussi que nous avons les moyens de légitimer certains principes méthodologiques démocratiques. Et en particulier, l'idée qu'est valide ou vraie une assertion sur laquelle, étant donné certaines conditions dans lesquelles se trouve l'enquête, nous serions parvenus à un accord. Je vous rappelle que cette idée selon laquelle la vérité pourrait s'entendre comme cet accord ultime auquel on pourrait conditionnellement parvenir est l'une des composantes que je me suis employée à essayer de retenir dans l'élaboration de notre conception de la vérité, à la suite notamment de la définition peircienne. Le problème, comme l'a notamment montré dans le premier chapitre de son livre « Truth, Morality and Politics » Cheryl Misak, c'est que l'analyse de Habermas comporte plusieurs défauts majeurs, dont le premier est de proposer un concept beaucoup trop ambitieux de justification, puisqu'il cherche à montrer que les principes démocratiques sont nécessairement vrai, alors qu'il vaudrait mieux sans doute adopter un profil un peu plus modeste. En deuxième lieu, la tentative qui consiste pour Habermas à dériver la démocratie des conditions même, n'est-ce pas, de la communication, ne marche que si nous adoptons une définition de la communication dont il n'est pas sûr qu'elle présente elle-même un certain nombre de difficultés. Mais avant d'aborder plus précisément ce dernier point, il convient aussi évidemment d'ajouter que Habermas reste constamment tributaire, vous le savez, d'une conception qui a quand même été largement battue en brèche, notamment grâce aux travaux dans les années 70 de Hilary Putnam, qui le lui a d'ailleurs constamment reproché. Putnam appelle monsieur a priori, et il stigmatisait chez Habermas cette idée d'une conception beaucoup trop monolithique ou impériale de la rationalité. Et pourquoi Putnam en particulier reprochait-il cela à Habermas? Il y a eu toute une série de textes de Putnam traduits où Putnam expose très, très nettement ses objections, tout simplement parce que Habermas continue à faire reposer, si vous voulez, la plupart de ses analyses sur l'idée d'une dichotomie stricte que nous devrions faire entre ce qui relève des sciences de la nature, lesquelles peuvent être vraies ou fausses, et la morale, dont les énoncés seraient simplement valides ou invalides. Bon. Là où, justement, Putnam va, dans les années 70, battre en brèche cette dichotomie, de même que la dichotomie entre faits et valeurs. Eh bien, à l'inverse, Putnam reste, et en ce sens, en dépit de ses dénégations nombreuses, il reste fidèle, en fait, au positivisme et à l'idée qui va de pair avec lui que seuls les énoncés de la science sont formalisables et que ce n'est que relativement aux sciences de la nature que nous pouvons, comme il le dit, avoir une attitude objectivante. Pourquoi ? Eh bien, parce que les sciences de la nature portent sur des états de choses qui, je le cite, existent indépendamment des formulations que nous en donnons, ou non, par le biais de propositions vraies. Fin de citation. Ce qui revient d'emblée, en même temps, vous le voyez, à considérer qu'en matière de morale, mais aussi de politique, au fond, nous ne pourrons jamais parvenir au mieux qu'à une objectivité de second plan. Autant dire qu'il n'y a pas dans son esprit, très éloigné d'une position cognitiviste, vous voyez, place pour quelque chose comme une vérité morale, celle-ci ne pouvant être que dans le meilleur des cas, que quelque chose qui se rapproche de l'acceptabilité garantie, de l'accord non contraint. Donc, mauvaise nouvelle, mauvaise pioche, si nous voulions trouver chez lui un concept un peu plus solide de vérité. Cela n'empêche pas Habermas, nonobstant, de soutenir qu'en morale, nous pouvons parvenir à une forme d'universalité, à une réponse qui sera correcte pour tout le monde, et c'est d'ailleurs ce qui, selon lui, permet de distinguer morale et politique. En politique, en effet, le marchandage et le compromis viennent toujours entraver la communication authentique. La politique, c'est le domaine où l'on a affaire au raisonnable, et ce, dans certains contextes, dans certaines circonstances politiques, alors que la morale porte sur le bien et le mal, indépendamment des circonstances dans lesquelles peut se trouver l'agent. Or, une telle approche, ici encore, est-elle satisfaisante ? Comme on le sait, elle va aussi de pair, chez lui, avec la distinction qu'il établit entre les questions éthiques et les questions morales, la morale étant ce qui peut se décider dans le cadre de la délibération rationnelle, c'est l'ensemble des principes qui régissent la vie collective, là où l'éthique, c'est l'ensemble des valeurs qui régissent les décisions individuelles sur le bien. Évidemment, il vous faut aussi admettre le principe d'une distinction entre valeurs et normes. Et cette distinction, quelles que soient par ailleurs les bonnes intentions de Habermas, a des incidences fâcheuses sur la distinction qu'il fait entre le public et le privé, mais aussi sur la manière dont il pense que des énoncés portant sur la vie bonne ne peuvent pas, en toute rigueur, être vrai ou faux. Alors que, peut-être, il serait plus judicieux d'essayer de voir comment l'éthique communicationnelle pourrait se prolonger de la morale précisément à l'éthique. Vous voyez qu'en tout cas, il apparaît immédiatement un problème dans la manière dont Habermas pense la question même de la justification. Un jugement, dit-il, est valide si on peut parvenir sur lui à un accord dans le cadre d'une discussion publique, libre et ouverte, c'est-à-dire une discussion démocratique. Mais les principes qui se révèlent être valides dans une telle discussion sont ceux-là même qui réitèrent l'idée de démocratie. Chacun de nous doit avoir un droit de parole égal à parler, à être entendu, etc. Autrement dit, il y a dans tout ceci, vous voyez, quelque chose qui est manifestement circulaire. Habermas, du reste, en a souvent conscience et cherche à donner, à de multiples occasions, une justification non circulaire des principes de l'enquête démocratique, en particulier une justification qui lui permettrait, comme c'est, on le sait, son souci premier, de critiquer le néo-nazi ou le non-démocrate, et donc qu'il soit à même, comme il le dit, de prouver que son principe moral n'est pas le simple reflet des préjugés des mâles adultes occidentaux, blancs et bien éduqués d'aujourd'hui. Bien. Mais cela prend chez lui la forme le plus souvent et l'influence de monsieur a priori, Carlotto, n'y est pas pour rien, d'un argument, comme vous le savez, transcendantal, tous deux considérant qu'ils ont découvert les conditions universelles nécessaires et donc non contingentes de la possibilité même de la communication. En d'autres termes, la justification d'une analyse pragmatique de la vérité et des principes qui sous-tendent l'éthique de la discussion est que si la communication est possible, alors cette analyse de la vérité et de ses principes, elle aussi, doit l'être. Comme le dit Habermas, quiconque entreprend sérieusement de participer à une argumentation accepte implicitement, par cette entreprise même, des présupposés pragmatiques généraux qui ont un contenu normatif. Fin de citation. Quiconque donc voudrait argumenter contre Habermas ou simplement faire la moindre assertion se trouverait, semble-t-il, commis aux conclusions habermasiennes, à savoir à l'idée que la validité est ce qui serait le produit d'une argumentation non contrainte et que ses résultats valent pour tout un chacun et pour les principes démocratiques de l'enquête. Même si cette version transcendantale forte est particulièrement flagrante telle qu'elle se développe chez Apple, et qu'Habermas a souvent exprimé certaines réserves à son endroit, il n'empêche qu'il approuve bien le point central de Apple et admet que tous deux, je cite, « ont recours à des arguments transcendantaux pour démontrer que certaines conditions sont inévitables », fin de citation, ou plus récemment encore, comme il l'a fait, que ce à quoi il renvoie, comme à la justification transcendantale, est un résultat à peu près indiscutable. Bon. Mais surtout, on peut et on doit, à mon sens, se demander, en tout cas c'est une question, je crois, légitime, s'il ne faut pas analyser le phénomène même de la communication sur des bases un peu moins, je dirais, glorieuses ou tout simplement un peu plus banales. En partant du simple constat que lorsque les gens communiquent, lorsqu'ils se parlent, lorsqu'ils échangent des arguments entre eux, au fond, bah, mon Dieu, ils le font sans présupposer tout cet arsenal transcendantal qu'invoquent Apple et Habermas. Car après tout, comme le fait aussi observer Misak, qui n'est pas héritière de Peirce pour rien, les gens même auxquels Habermas souhaite s'opposer, c'est-à-dire ceux qui pensent, par exemple, que seuls certains individus dotés de certains caractères génétiques sont dignes d'avoir des droits, de participer à la communauté, bien, précisément, en général, ces gens sont des gens qui refusent d'adopter les normes d'Habermas. Or, tout ce que lui, comme Apple, trouve à dire contre ce genre d'individu, c'est que, sous peine de cesser d'être quelqu'un qui communique, ils doivent adopter les normes démocratiques. Mais comment espère-t-il convaincre ce genre d'individu ? Sans doute Habermas est-il clair sur ce point. De quelqu'un qui pourrait refuser d'entrer, écrit-il, dans le processus d'argumentation, il met volontairement un terme à son appartenance à la communauté des êtres qui argumentent. Et en refusant d'argumenter, il ne peut pas, même indirectement, nier qu'il se meut dans une forme de vie socio-culturelle partagée, qu'il a grandi dans un réseau d'actions communicatives et qu'il se reproduit lui-même dans ce réseau. Et, selon Habermas, il ne peut rejeter ces circonstances dans lesquelles sa vie ne cesse au fil des jours de se dérouler, sauf à vouloir se réfugier dans le suicide ou la maladie mentale. En d'autres termes, il ne peut s'extirper de la pratique communicative, et c'est bien le corollaire de la définition que donne Habermas de la vie, où l'on est continuellement forcé, en vérité, de prendre position en répondant par oui ou par non. Tant qu'il est le moins du monde en vie, un individu ne peut pas avoir, au fond, une existence à la Robinson Crusoe dans laquelle il aurait cessé toute action communicative. C'est là, dit Habermas, quelque chose qui est tout bonnement inconcevable, fût-ce sous la forme d'une expérience de pensée. Soit. Mais ce n'est pas non plus seulement cela qu'il dit. Ce qu'il soutient aussi, c'est que la communication en question se déroule au fond de telle manière qu'elle ne peut qu'inclure certaines caractéristiques, comme par exemple l'idée d'impartialité. Sans doute, Habermas reviendra-t-il sur sa position. Il observera notamment que nous devons, je cite, « cesser de rechercher à tout prix le fondationalisme de la philosophie transcendantale traditionnelle et donc refuser de dire, je cite, que la justification pragmatico-transcendantale constitue une justification ultime. » Il insistera sur la nécessité que les principes de l'argumentation puissent être testés, que l'on vérifie la complémentarité de certains de nos principes, leur capacité aussi à entrer en cohérence avec nos expériences, nos jugements bien pesés, etc. Mais en même temps, on a tout de même un peu de mal à voir comment il peut faire cadrer tout cela avec ce qu'il dit par ailleurs sur le caractère, donc selon lui, inévitable des principes démocratiques qui résonnent bel et bien comme une forme de principe infaillible et non comme une hypothèse éventuellement falsifiable. Et on a aussi du mal à voir comment telles ou telles expériences que nous rencontrerions pourraient confirmer ou infirmer des principes tels que, je cite, « c'est un présupposé du discours que tout un chacun est autorisé à introduire n'importe quelle espèce d'assertion dans le discours ». Fin de citation. Vous voyez que nous sommes là beaucoup plus en présence d'une analyse conceptuelle qu'en face de quelqu'un qui vraiment prendrait en compte de façon sérieuse certains faits empiriques, certaines expériences dont il devrait tenir compte, n'est-ce pas, et qui, telles que, n'est-ce pas, ces rencontres, au fond, soient de nature à l'obliger à repenser ses principes. Ce qui, j'ai essayé de le dire en proposant le concept de vérité que nous avons élaboré, indispensable si nous voulons vraiment pouvoir lui donner la solidité et la stabilité nécessaires pour le faire fonctionner, n'est-ce pas, de manière convaincante en politique et dans le cadre d'une réflexion sur la démocratie. Je pense que plutôt que de se placer d'un tel point de vue de nulle part ou de surplomb, il vaut donc mieux en toute cette affaire adopter le point de vue de là où nous sommes. Et ce point de vue, c'est tout simplement celui où nous ne cherchons pas un fondement ou des principes nécessaires. Parce que nous considérerions notamment que c'est seulement en procédant ainsi que nous pourrions répondre aux sceptiques ou aux non-démocrates qui l'exigent. Non, il faut tout simplement partir de nos croyances, lesquelles nous renseignent sur quelque chose au fond de fort simple, à savoir que lorsque nous croyons quelque chose, nous croyons qu'elle est vraie et ne pouvons pas nous empêcher de procéder ainsi. Sans doute cela ne constitue-t-il pas une justification en tant que telle, mais c'est au moins le seul point de départ que nous puissions réellement adopter pour chercher à montrer pourquoi et comment les principes, valeurs et idéaux démocratiques sont non seulement légitimes, mais les meilleurs. Tirons simplement quelques conclusions à ce stade, si vous voulez bien, de nos analyses. Ce que je l'espère, elles auront permis de montrer à travers quelques caractéristiques assurément bien trop rapides que j'ai données des positions de Rawls et de Habermas, c'est une fois encore à quel point, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ou plus encore souhaiter, dès lors que l'on revendique une position simplement raisonnable ou rationnelle, que l'on ne recherche qu'un consensus par recoupement, ou encore davantage la justification que la vérité, eh bien à quel point en fait, qu'on le veuille ou non, nous allons bien au-delà de la simple procédure. En d'autres termes, on ne se libère pas aussi facilement de la substance. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 27 mars 2017 Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie. Aujourd'hui, le concept de démocratie du modèle concurrentiel économique ou agrégatif au modèle délibératif, deuxième partie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Claudine Tiercelin. La philosophe a notamment publié « Le ciment des choses, petit traité de métaphysique scientifique réaliste » aux éditions Ithac en 2011. Je rappelle également son ouvrage « Le doute en question » publié pour la première fois en 2005 et qui a fait l'objet d'une publication nouvelle augmentée en 2016. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain et après-demain, nous achèverons la grande enquête de Claudine Tiercelin, quels sont notamment les principes distinctifs de la démocratie. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.